Impossible de goûter comme moi. Aïda, c'est grosse. C'est ça qui a la mode. Aïda, c'est grosse. C'est ça qui a la mode. Aïda, c'est grosse. C'est ça qui a la mode. Madame, il n'en tête pour golo. Madame, il n'en tête pour golo. Donc, parle cause avec eux, depuis 8 jours à l'avance. C'est pour petit jus papaye. Côté tu fais papaye dans le dos, pour lâcher cadavre dans le monde. Pour comprendre moins. Et puis, c'est plus important. Donc, on n'a pas le fidèle dans le monde. On va le fidèle. Ou bien, vous êtes là avec un petit au 3-8e. Ou après, on peut mettre dans le nez. L'autre côté, là, on va bailler dans la rue. Parce que dans le monde, on ne peut pas regarder ça. C'est ouf là, bah là, oui. C'est ouf là, oui. C'est ouf là. Ah, papa, bah, bah, allez, où Madame Mina, tête pour colo, ouais.